Thank you. me l'a enlevé. Go, today gotta be your turn. la musique américaine. Bon, je dois y aller. J'ai faim. Bon app, à bientôt. Bye bye.